Couple et Toka, Jolie et Willy, Willy Fort et Toka, Willy Junior. Osali c'est mon témana, Osali oyo non luka depuis kala. Osali la femme selon mon cœur, Jolie wapi yo. À tenir compte la zone en la poussière. Mon pépère souci au Canada, moi, mawa. Nabatama au milieu de son cœur. Parce que les fers ont gelé. Jess et Max et Teka. Tina et Lina, les jumelles. Joli projet, Ali, Pala et c'est réalisé. Tobalani, Tokomi, Bomoko. Denis, Kiki, Christelle, Nguesso, les grands pétroliers. Bazo singa se bolingo anani ana safir bazala kina bolingo mama Esther Kibata siasina bibilia lelona metre en pratique vers d'amour en action l'abbé Norbert Bouka mama Jeanne et papa Lonasira linda rivena gezayo wilietoka Stella Atipo Viera Junior Nathan et Joey Saint Willy Grace Irma et Adeline Fato Mama Jeanne et Mama Jackie, ton meilleur ami, et c'est lui qui te défend quand on parle de toi, et qui parle de toi quand on t'oublie. Willy et Toka, abali les lois jolie, Willy abali, jolie abali, Willy et Toka, jolie abali. Mama Adé, la la la la la la la, Daï Kunta, la la la la la la la la. Willy et Toka, abali les lois jolie, Willy abali, Glèche Ngapi, jolie abali, Willy et Toka, jolie abali. Germain Vambi, taxi parisien. Vase sengo nange tondi, figure nanga échangé. Na semir na mai, soki na mitali na miroir. Et so panzana. Atipo, Nathalie Ngapi, Jean-Mathieu Atipo. Mpo et sengo nanga eleki, molai. Asta et Falon. Koleka atakutu tu danemba. Marcel Ngangende et Mimi. Willy et Toka, abali les lois jolie, Willy abali. Adelar Menga, Willy abali, Willy et Toka, jolie abali. Bive Wonga, Mama Jess Bradford, Roger Motingia, l'exambour. Willy et Toka, abali les lois jolie, Willy abali. Jolie abali, Willy et Toka, jolie abali. Jisse Songo, Sam Pengombe, Nene Kolesha. Willy papa. J'ignore nanato si tamo sampai j'ignore na ko chérie yo bona lipela amina mokonzi jampi mongala gigi mangwana tete ola tisinga na mosapi na mérité bienvenue makanga pomoto na yo elala kanali pe kanangai John Vuiti yelanga bolingo na yo lokola bilei na sanga ata esika kobomba Pichunzita Yelanga muna yo Okola maye baleto nisanga motema na kimia Jipe mindia le big manager Willy na joli konsei na kopisa boza la soude Moti mascotte Fideline Moussadi Mami Lelaye Exemple mama Ngulina ya denges Le patron ba de Tendai Bamesana songi songye Jules Mbale Bamifiti Atali wa yambelie Nabanga tempo na yo Grand-père Bozi Boziana Voilà les œuvres. Le loto bengi si ma famille de deux côtés Moïse et Morel Niken Sebayaka To bengi si ma master Ma témoin Régis Mbumbo Libala la biso l'équilibre Mousso ya banganga nzambe Lorraine Masumbuko Abedel Mindia Amori Luntadie Willy et Toka Abali les lois jolie Willy Abali Jolie Abali Willy et Toka Jolie Abali J.R. Ikoli Kachef Mungambi Willy et Toka Abali les lois jolie Willy Abali Jolie Abali Willy et Toka Jolie Abali Monsieur Laurent Bokson et Bukasa Sukate pona minzoto joli E bale pona matanga nango ya maika sina moti mao Na kokina pesa te mama na koki na pesa yo sango na ndenge ya 1 2 3 te mama Ben Mbuyamba au mesure de grandeur na bolingo ezala kate Honorable Patrick Bologna na koki sena pesa bolingo na katia motema po bolingo ezala kana chiffre te de yonkusue Chipe minga big manager ya Anika Pinga De yonkusue Fere gola ena silia egle jaune Simon Lumbila Olivier Madiata Bobo lion de la GG Fula mambu Bebe mwa mamita harmoni Aziza Basambie Grand Dame Christian Engani Eddie Makuntima Nana Nathalie Swana